Aujourd'hui, mercredi le 3 mai, bienvenue à la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous en cette belle journée où on a un peu de soleil, du moins ici sur la côte de Beaupré, à partir du studio duquel je vous parle. On est très contents d'avoir un peu de chaleur, pas très chaud, mais au moins un peu plus chaud, et on en profite, ça réjouit nos cœurs. Alors, nous allons continuer notre lecture quotidienne, et puis nous en sommes aujourd'hui encore dans Juges. Nous lirons notre psaume, proverbe et l'évangile de Luc. Nous lisons ce matin dans la version français courant. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, que ce soit lui notre vraie lumière, notre vrai soleil, notre vraie chaleur. Lisons. Juges, chapitre 17, verset 1, jusqu'au chapitre 18, verset 31. Il y avait dans la région montagneuse d'Éphraïm un homme appelé Mica. Un jour, il déclara à sa mère, « Tu te rappelles que lorsqu'on t'a dérobé 1100 pièces d'argent, tu as maudit le voleur en ma présence. Eh bien, j'ai cet argent, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit alors, « Sois béni par le Seigneur, mon fils. » Mica rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère et elle lui dit, « J'ai décidé de consacrer solennellement cet argent au Seigneur, en ta faveur, mon fils. Il servira à fabriquer une idole recouverte de métal fondu. Je te le remets donc maintenant. » Mais il rendit de nouveau les pièces d'argent à sa mère. Elle en prit 200 qu'elle donna au fondeur. Celui-ci fabriqua une idole recouverte de métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mica. Or cet homme, Mica, avait chez lui un lieu de culte. Il fit fabriquer une autre idole, ainsi que des statuettes sacrées, puis il installa un de ses fils comme prêtre à son service. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun agissait comme il lui semblait bon. Un jeune Lévite séjournait alors à Bethléem, localité de la tribu de Juda. Il quitta Bethléem pour chercher un autre lieu de résidence. En cours de route, il arriva à la maison de Mica, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mica lui demanda « D'où viens-tu? »« Je suis un Lévite de Bethléem en Juda, » lui répondit-il, « et je suis à la recherche d'un lieu de résidence. » Mica lui dit « Reste chez moi et deviens le prêtre de ma famille. Je te donnerai 10 pièces d'argent par an, ainsi que les vêtements et la nourriture qui te seront nécessaires. » Le Lévite entra et il accepta de rester chez Mica, qui le traita comme son fils. Mica l'installa comme prêtre à son service et le logea chez lui. Mica se dit, « Je suis certain maintenant que le Seigneur me fera du bien, puisque j'ai un Lévite pour prêtre. » À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu de Dan cherchait alors un territoire où s'installer, car à la différence des autres tribus israélites, elle n'en possédait pas encore. Les Danites choisirent donc parmi eux 5 hommes particulièrement courageux. Ils les envoyèrent des localités de Sora et Eshetaol avec l'ordre d'explorer soigneusement le pays. Ces hommes arrivèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm et ils s'arrêtèrent près de la maison de Mica. Pendant qu'ils étaient là, ils entendirent le jeune Lévite et reconnurent son accent. Ils allèrent alors lui dire « Qui t'a demandé de venir à cet endroit? Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui t'y retient? » Il répondit « Mica m'a offert une situation. » « Il me paie un salaire et je suis son prêtre. »« Eh bien, » reprirent-ils, « consulte Dieu. Nous désirons savoir si le voyage que nous avons entrepris réussira. » Le prêtre leur déclara, « Soyez sans crainte. Le Seigneur vous accompagne dans votre voyage. » Les 5 hommes se remirent en route et allèrent jusqu'à Laïch. Ils y trouvèrent des gens tranquilles qui vivaient dans la paix et la sécurité, à la manière des Sidoniens. Personne n'avait rien à reprocher à celui qui exerçait le pouvoir dans la région. Ces gens vivaient loin des Sidoniens et ne dépendaient de personne. Les envoyés d'Anite retournèrent à Sora et Eshtaol, et leurs compatriotes leur demandèrent ce qu'ils avaient découvert. Ils leur déclarèrent « Venez, allons attaquer les gens de Laïch. Nous avons constaté que la région est excellente. Ne restez pas là sans rien faire. Dépêchez-vous de partir à la conquête de cette région. » Quand vous y arriverez, vous trouverez une population sans méfiance établie dans un vaste territoire. Dieu vous livrera ce territoire où il ne manque rien de ce qu'on peut avoir sur terre. Alors 600 hommes de la tribu de Dan, équipés pour le combat, quittèrent Sora et Eshtaol. Ils allèrent installer leur camp à l'ouest de Kiriat Yearim, dans le pays de Juda. C'est pourquoi cet endroit a reçu le nom de Mahané Dan, c'est-à-dire camp de Dan, qu'ils portent encore maintenant. De là, ils se rendirent dans la région montagneuse d'Éphraïm et arrivèrent près de la maison de Mika. Les cinq hommes qui avaient exploré la région de Laïch dirent à leurs camarades « Savez-vous que, dans l'une de ces maisons, il y a une idole et des statuettes sacrées, ainsi qu'une autre idole recouverte de métal fondu? À vous de décider ce que vous devez faire. » Ensuite, les cinq hommes se dirigèrent vers la maison de Mika. Ils y entrèrent et demandèrent au jeune Lévite qui y habitait comment il allait. Pendant ce temps, les 600 Danites, équipés pour le combat, se tenaient à l'entrée de la maison. Les cinq hommes qui avaient exploré le pays, ayant pénétré dans la maison, s'emparèrent des différentes idoles, des statuettes sacrées, ainsi que de l'idole recouverte de métal fondu. Le prêtre se tenait à l'entrée avec les 600 hommes armés. En voyant les autres pénétrer dans la maison de Mika et enlever les idoles et les objets sacrés, le prêtre leur demanda « Que faites-vous là ?»« Chut !» lui répondirent-ils. « Ne dis pas un mot. Viens avec nous, deviens le prêtre de notre tribu. Que préfères-tu, être prêtre pour la famille d'un seul homme ou pour toute une tribu israélite ?» Le prêtre fut très heureux de la proposition. Il prit les idoles et les statuettes et se joignit à la troupe. Les Danites se remirent en route, en se faisant précéder par les enfants, le bétail et les bagages. Ils étaient déjà loin de la maison de Mika lorsque celui-ci et les voisins se rassemblèrent et se lancèrent à leur poursuite. Au cri qu'ils poussaient contre les Danites, ceux-ci se retournèrent et demandèrent à Mika « Qu'est-ce qui te prend? Que signifie cet attroupement? » Il leur répondit « Vous vous êtes emparés des dieux que je m'étais fabriqués et vous avez emmené mon prêtre. Il ne me reste plus rien et vous osez me demander ce que j'ai. » Ils lui répliquèrent, « Ne nous fatigue pas de tes plaintes. Certains d'entre nous pourraient en être exaspérés et vous attaquer. Tu causerais ainsi ta perte et celle de ta famille. » Puis ils reprirent leur marche. Mika, voyant qu'ils étaient les plus forts, fit demi-tour et rentra chez lui. Les Danites emportèrent les objets que Mika avait faits et emmenèrent le prêtre qu'il avait eu à son service. Ils allèrent attaquer Laïch, massacrèrent la population paisible et confiante qui y vivait et brûlèrent la ville. Laïch, située dans la vallée de Beth-Rehob, était loin de Sidon et ses habitants ne dépendaient de personne. C'est pourquoi personne ne vint à leur secours. Les Danites reconstruisirent la ville et s'y installèrent. Ils changèrent le nom qu'on lui donnait auparavant, Laïch, et l'appelèrent Dan, comme leur ancêtre, le fils de Jacob. Ils installèrent l'idole de Mika pour qu'elle serve à leur culte, et Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, devint le prêtre de la tribu de Dan. Les descendants de Jonathan gardèrent cette charge jusqu'au moment où la population partit en déportation. Ils conservèrent l'idole de Mika pendant tout le temps qu'il y eut un sanctuaire de Dieu à Silo. Lisons maintenant le psaume 100. C'est un psaume pour un sacrifice de reconnaissance. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Lisons maintenant notre proverbe d'aujourd'hui, qui se trouve en Proverbes chapitre 14, les versets 4 et 5. Là où il n'y a pas de bœuf de labour, le grenier est vide. Un bétail vigoureux procure des revenus importants. Un témoin digne de confiance ne ment pas. Un faux témoin débite des mensonges. Nous en sommes déjà à notre dernière portion de texte pour aujourd'hui. Nous lisons l'Évangile de Luc, chapitre 9, les versets 37 à 62. Le jour suivant, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint à la rencontre de Jésus. De la foule, un homme se mit à crier « Maître, je t'en prie, jette un regard sur mon fils unique !» Un esprit le saisit, le fait crier tout à coup, le secoue avec violence et le fait écumer de la bouche. Il le maltraite et ne le quitte que difficilement. « J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus s'écria, « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. » Au moment où l'enfant approchait, l'esprit le jeta à terre et le secoua rudement. Mais Jésus menaça l'esprit mauvais, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient impressionnés par la grande puissance de Dieu. Comme chacun s'étonnait encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Retenez bien ce que je vous affirme maintenant. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Ils ne comprenaient pas cette parole, son sens leur avait été caché afin qu'ils ne puissent pas le comprendre, et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus se rendit compte de ce qu'ils pensaient. Il prit alors un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit, « Celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand. » Jean prit la parole. « Maître, dit-il, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en usant de ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Mais Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent « Seigneur, « veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer? » Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Ils allèrent dans un autre village. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » C'est la parole de Dieu. Terminons notre temps ensemble en prière. Éternel Dieu, toi notre Seigneur, le seul qui est Dieu, c'est toi qui nous as fait et nous sommes à toi. Nous sommes ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin te louer et te remercier d'être notre Dieu. Te remercier d'être bon. Te remercier pour ton amour qui n'a pas de fin. Te remercier parce que tu restes fidèle de siècle en siècle. Oui, tu es grand et tout-puissant. Tu es parfait. Seigneur, nous nous humilions devant toi ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes bien petits. Comme Jésus l'a dit quand il était sur la terre, il était exaspéré par les gens mauvais et sans foi. Il était exaspéré et se demandait combien de temps encore il aurait à les supporter. Et Seigneur, nous nous reconnaissons ce matin dans ces gens qui manquent de foi, qui doutent, qui regardent en arrière. Et on te demande pardon, Père éternel. Nous voulons louer ta grande puissance, tes miracles que tu accomplis encore aujourd'hui dans nos vies. Et on veut te remercier, Seigneur, que malgré notre faiblesse, tu nous aimes, tu nous fais grâce, tu nous as choisis et tu es notre Père dans les cieux, nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, pour ta patience envers nous et pour cet amour sans fin, cet amour sublime. Éternel Dieu, je te prie ce matin que tu puisses nous donner ton esprit afin que nous aussi nous puissions annoncer le royaume de Dieu, que nous soyons prompts à parler, à partager ton évangile, à partager la bonne nouvelle de Jésus qui nous rachète, qui nous sauve, qui nous donne cette liberté, qui nous donne la vie. Oui, Seigneur, parle à travers nous et viens ajouter à ton peuple. Guide-nous, dirige-nous, Seigneur, afin qu'on puisse rencontrer des gens dont tu as déjà préparé le cœur d'une bonne terre à recevoir ta parole. Oui, Seigneur, sois glorifié aujourd'hui encore par nos gestes, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus qu'on te prie ce matin. Amen.